pratique pour la cause à 9-3. Ouais, ouais, Laisse parler, laisse la vie se dérouler, laisse agir les autres, laisse la réalité démarrer, il en faut peu pour exprimer sa pensée, juste des mots tout droit jaillent d'un stylo. Des phrases pour dire le mal-être régnant ici-bas. J'écris, jette, en me disant ce texte n'était pas assez beau. Les images paraissaient si fausses, dénuées de sens. J'écris l'humain minable, se complaisant dans sa 8-6. J'ai pas besoin de beaucoup pour haïr ce système malfaisant, annihilant les esprits par de fausses espérances. L'existence en plus réelle sur du papier. Tant tout ici est faux, les dés sont pipés. L'être humain est faible, combien de mots pour le dire? Si peu, car cette feuille blanche m'aide à décrire. J'décalque ma rue, ma ville grandit. Et je décortique mes proches, amis et ennemis. Un stylo me suffit au fond pour décrire ma vie. Rédiger un poème, un texte, refaire le monde à ma façon. Pas besoin d'aller trop loin pour comprendre, car au final, on finira tous ensemble. Laisse parler, laisse la vie se dérouler, laisse agir les autres, laisse la réalité démarrer, il en faut peu pour exprimer sa pensée, juste des mots tout droit jaillent d'un stylo. Laisse parler, laisse la vie se dérouler, laisse agir les autres, laisse la réalité démarrer, il en faut peu pour exprimer sa pensée, juste des mots tout droit jaillent d'un stylo. Mon stylo c'est ma vie, vu que le temps de la parole m'évite. S'il y a pas de feuille blanche c'est mauvais. Mon vécu, c'est l'écriture comme vecteur d'écrire une vie courte vite, car n'attends pas la victoire. Juste besoin d'un stylo, oublie Steno. En pratique, nos sentiments en stéréo. L'inspiration me vient, boum, ce big bang. Partout dans ma vie, rien de bien mais bon. J'écris pour ma 9-3 section. En banlieue c'est hardcore session. On attend calmement les sanctions. Mon département serait une secte. La République veut nous écraser tel des insectes. Sur mon bloc note, j'griffonne des rimes à faune. Ainsi font les fous, la cause à foutre c'est la faune. Si j'écris pas j'suis malade, j'en ai besoin au bord du malaise. La pression des mots est balèze. Peu nuit j'grave mes craintes, car le jour m'éteint, rien de matin. Heureux par la tristesse, j'méthode. Laisse parler, laisse la vie se dérouler, laisse agir les autres, laisse la réalité démarrer, il en faut peu pour exprimer sa pensée, juste des mots tout droit jaillent d'un stylo. Laisse parler, laisse la vie se dérouler, laisse agir les autres, laisse la réalité démarrer, il en faut peu pour exprimer sa pensée, juste des mots tout droit jaillent d'un stylo.